La radiodiffusion française et la Société des comédiens français vous prient d'écouter Le Barbier de Séville, comédie en quatre actes de Beaumarchais, direction artistique Jacques Régnier, avec le concours de messieurs Jean Meyer, Basile, Louis Seigné, Barthelot, Robert Manuel, Figaro, Paul-Émile Débert, L'Alcade, Jacques Clancy, le comte Almaviva, Maurice Portera, L'Éveillé, Georges Baconnet, le notaire, Teddy Billis, La Jeunesse, et Mademoiselle Gisèle Casadesu, Rosine. Les commentaires seront lus par Mademoiselle Eliane Bertrand. Acte 1er. Le théâtre représente une rue de Séville où toutes les croisées sont grillées. Le comte Almaviva seul, en grand manteau brun et chapeau rabattu, paraît. Il tire sa montre en se promenant. Le jour est moins avancé que je ne croyais. L'heure à laquelle elle a coutume de se montrer derrière sa jalousie est encore éloignée. Ah, n'importe. Il vaut mieux arriver trop tôt que de manquer l'instant de la voir. Si quelque aimable de la cour pouvait me deviner à 100 lieues de Madrid, arrêté tous les matins sous les fenêtres d'une femme à qui je n'ai jamais parlé, il me prendrait pour un Espagnol du temps d'Isabelle. Et pourquoi non? Chacun court après le bonheur. Il est pour moi dans le cœur de Rosine. Mais quoi? Suivre une femme à Séville quand Madrid et la cour offrent de toutes parts des plaisirs si faciles? Mais c'est cela même que je fuis. Je suis là des conquêtes que l'intérêt, la convenance ou la vanité nous présentent sans cesse. Il est si doux d'être aimé pour soi-même. Et si je pouvais m'assurer sous ce déguisement... Oh, diable, l'importe, hein. Le comte Almaviva s'est éloigné. Figaro, une guitare sur le dos, attachée en bandoulière avec un large ruban, tenant un papier et un crayon à la main, paraît. Vanissons le chagrin, il nous consume sans le feu du bon vin qui nous rallume, réduit à languir l'homme sans plaisir, vivrait comme un sot et mourrait bientôt. Jusque-là, ça s'y va pas mal, et mourrait bientôt. Et le vin et la paresse se disputent mon cœur. Et non, ils ne se le disputent pas, ils y règnent paisiblement ensemble. Se partage mon cœur, dit-on, se partage. Et mon Dieu, nos faiseurs d'opéra comique n'y regardent pas de si près. Aujourd'hui, ce qui ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante. Le vin et la paresse se partagent mon cœur. Je voudrais finir par quelque chose de beau, de brillant, de scintillant, qui eut l'air d'une pensée. Se partage mon cœur, si l'une a ma tendresse, si l'une a ma tendresse, l'autre fait mon bonheur. L'autre fait mon bonheur, fit donc cette place, n'est pas ça. Me faut une opposition, une antithèse. Si l'une est ma maîtresse, si l'une est ma maîtresse, l'autre. Et parbleu, j'y suis. L'autre est mon serviteur, fort bien, Figaro. Le vin et la paresse se partagent mon cœur, se partagent mon cœur. Si l'une est ma maîtresse, si l'une est ma maîtresse, l'autre est mon serviteur. L'autre est mon serviteur, l'autre est mon serviteur, l'autre est mon serviteur, l'autre est mon serviteur. Quand il y aura des accompagnements là-dessous, nous verrons encore, messieurs de la cabale, si je ne sais ce que je dis. J'ai vu cet abbé-là quelque part. Cet homme ne m'est pas inconnu. Mais non, ce n'est pas un abbé. Cet héraltier est noble. Cette tournure grotesque. Je ne me trompe point. C'est le comte Almaviva! Je crois que c'est ce coquin de Figaro! C'est lui-même, monseigneur! Marot, si tu dis un mot! Oui, je vous reconnais, voilà les bontés familières dont vous m'avez toujours honoré. Je ne te reconnaissais pas, moi. Te voilà si gros et si gras. Que voulez-vous, monseigneur? C'est la misère. Pauvre petit. Mais que fais-tu à Séville? Je t'avais autrefois recommandé dans les bureaux pour un emploi. Je l'ai obtenu, monseigneur, et ma reconnaissance... Chut, appelle-moi Lindor! Ne vois-tu pas à mon déguisement que je veux être inconnu? Je me retire! Non, au contraire! J'attends ici quelque chose et deux hommes qui jasent sont moins suspects qu'un seul qui se promène, ayant l'air de jaser. Eh bien, cet emploi. Le ministre, ayant égard à la recommandation de votre excellence, me fit nommer sur le champ garçon apothicaire. Dans les hôpitaux de l'armée? Non, dans les haras d'Andalousie. Beau début. Le poste n'était pas mauvais, parce qu'ayant le district des pansements et des drogues, je vendais souvent aux hommes de bonne médecine de cheval. Qui tuaient les sujets du roi. Il n'y a point de remède universel, mais qui n'ont pas laissé de guérir quelquefois des Galiciens, des Catalans, des Auvergnats. Pourquoi l'as-tu quitté? Quitté? C'est bien lui-même. On m'a desservi auprès des puissances. L'envie, aux doigts crochus, au teint pâle et livide. Oh, grâce, grâce, ami. Hein? Est-ce que tu fais aussi des vers? Je t'ai vu là, griffonnant sur ton genou et chantant dès le matin. Voilà précisément la cause de mon malheur, Excellence. Quand on a rapporté au ministre que je faisais

À présent qu'ils se sont retirés, examinons cette chanson dans laquelle un mystère est sûrement renfermé. C'est un billet. Il demandait ce que c'est que la précaution inutile. Votre empressement excite ma curiosité. Sitôt que mon tuteur sera sorti, chantez indifféremment sur l'air connu de ces couplets quelque chose qui m'apprenne enfin le nom, l'état et les intentions de celui qui paraît s'attacher si obstinément à l'infortunée Rosie. Ma chanson est tombée. Courez, courez donc. Ah, c'est fameux. Voulez-vous donner de l'adresse à la plus ingénue? Enfermez-la. Ma chère Rosine. Monseigneur, je ne suis plus en peine des motifs de votre mascarade. Vous faites ici l'amour, en perspective. Te voilà instruit. Mais si tu jases... La jaser. Je n'emploierai pas, pour vous rassurer, les grandes phrases d'honneur et de dévouement dont on abuse à la journée. Je n'ai qu'un mot. Mon intérêt vous répond de moi. Pesez tout à cette balance. Fort et... bien. Apprends donc que le hasard m'a fait rencontrer au Prado, il y a 6 mois, une jeune personne d'une beauté. Tu viens de la voir. Je l'ai fait chercher en vain partout Madrid. Ce n'est que depuis peu de jours que j'ai découvert qu'elle s'appelle Rosine, et d'un sang noble, orpheline, et mariée à un vieux médecin de cette ville nommé Bartolo. Joli oiseau, ma foi. Difficile à dénicher. Mais qui vous a dit qu'elle était femme du docteur? Tout le monde. C'est une histoire qu'il a forgée en arrivant de Madrid, pour donner le change aux galants et les écarter. Elle n'est encore que sa pupille. Mais bientôt... Jamais! Oh, quelle nouvelle! J'étais résolu de tout oser pour lui présenter mes regrets, et je la trouve libre. Mais il n'y a pas un moment à perdre. Il faut m'en faire aimer et l'arracher à l'indigne engagement qu'on lui destine. Tu connais donc ce tuteur? Comme ma mère. Quel homme est-ce? C'est un beau, gros, court, jeune vieillard. Gris pommelé, rusé, rasé, blasé, qui guette et furette et grondait jeun tout à la fois. Eh bien, je l'ai vu, son caractère. Brutal, avare, amoureuse et jalouse à l'excès de sa pupille qui le est. À la mort. Ainsi, ses moyens de plaire sont? Nul. Tant mieux. Sa probité? Tout juste autant qu'il en faut pour n'être point pendu. Tant mieux. Punir un fripon en se rendant heureux? C'est faire à la fois le bien public et particulier. Chef-d'œuvre de morale en vérité, monseigneur. Ah, tu dis que la crainte des galants lui fait fermer sa porte? À tout le monde. S'il pouvait la calfeutrer. Diable, tant pis. Aurais-tu de l'accès chez lui? Si j'en ai. Primo. La maison que j'occupe appartient au docteur qui m'y loge, gratis. Ah, oui. Et moi, en reconnaissance, je lui promets 10 pistoles d'or par an, gratis aussi. Tu es son locataire. De plus, son barbier, son chirurgien, son apothicaire. Il ne se donne pas dans sa maison un coup de rasoir, de lancette ou de piston qui ne soit de la main de votre serviteur. Oh, Figaro, mon ami. Tu seras mon ange, mon libérateur, mon dieu tutélaire. Oh, peste, comme l'utilité vous a bientôt rapproché les distances. Parlez-moi des gens passionnés. Heureux, Figaro. Tu vas voir ma Rosine, tu vas la voir... Conçois-tu ton bonheur? C'est bien là à propos d'amant. Est-ce que je l'adore, moi? Puissiez-vous prendre ma place? Ah! Si l'on pouvait écarter tous les surveillants. C'est à quoi je rêvais. Pour 12 heures seulement. En occupant les gens de leur propre intérêt, on les empêche de nuire à l'intérêt d'autrui. Sans doute, eh bien. Je cherche dans ma tête si la pharmacie ne fournirait pas quelques petits moyens innocents. Scélérat. Est-ce que je veux leur nuire? Ils ont tous besoin de mon ministère. Il ne s'agit que de les traiter ensemble. Mais ce médecin peut prendre un soupçon. Il faut marcher si vite que le soupçon n'ait pas le temps de naître. Il me vient une idée. Le régiment de Royal Infant arrive en cette ville. Le colonel est de mes amis. Bon. Présentez-vous chez le docteur, en habit de cavalier, avec un billet de logement. Il faudra bien qu'il vous héberge. Et moi, je me charge du reste. Excellent. Il ne serait même pas mal que vous eussiez l'air entre deux vins. Bah, quoi bon? Et le mener un peu lestement sous cette apparence déraisonnable. Bah, quoi bon? Pour qu'il ne prenne aucun ombrage. Et vous croit plus pressé de dormir que d'intriguer chez lui. Supérieurement vu. Mais... Que n'y vas-tu, toi? Ah oui, moi. Nous serons bien heureux s'il ne vous reconnaît pas, vous, qu'il n'a jamais vu. Et comment vous introduire après? Tu as raison. C'est que vous ne pourrez peut-être pas soutenir ce personnage difficile. Cavalier, pris de vin... Tu te moques de moi? N'est-ce point ici la maison du docteur Bartolo, mon ami? Pas mal, en vérité. Vos jambes seulement, un peu plus avinées. N'est-ce point d'ici la maison? Fuis donc, tu as l'ivresse du peuple. C'est la bonne, c'est celle du plaisir. La porte s'ouvre. C'est notre homme. Éloignons-nous jusqu'à ce qu'il soit parti. Là, je reviens à l'instant qu'on ne laisse entrer personne. Ah, quelle sottise à moi d'être descendu. Et qu'elle m'en priait, je devais bien m'en douter. Et Basile qui ne vient pas. Il devait tout arranger pour que mon mariage se fît secrètement demain. Et point de nouvelles. Allons voir ce qui peut l'arrêter. Ma chanson est tombée. Qu'ai-je entendu? Demain, il épouse Rosine en secret? Monseigneur, la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. Quel est donc ce Basile qui se mêle de son mariage? Un pauvre heure qui montre la musique à sa pupille. Un fatué de son art, friponneux, besogneux, à genoux devant un écu, et dont il sera facile de venir à bout, Monseigneur. Oh! La voilà, la voilà. Qui donc? Derrière sa jalousie, la voilà, la voilà. Ne regardez pas, ne regardez donc pas. Pourquoi? Ne vous écrit-elle pas chanter indifféremment? C'est-à-dire chanter comme si vous chantiez seulement pour chanter. Oh, la voilà, la voilà. Puisque j'ai commencé à l'intéresser sans être connu d'elle, ne quittons point le nom de Lindor que j'ai pris. Mon triomphe en aura plus de charme. Oh, mais comment chanter sur cette musique? Je ne sais pas faire de vers, moi. Tout ce qui vous viendra, monseigneur, est excellent. En amour, le cœur n'est pas difficile sur les productions de l'esprit. Et prenez ma guitare. Et que veux-tu que j'en fasse? J'en joue si mal. Est-ce qu'un homme comme vous ignore quelque chose, là? Avec le dos de la vin, là, bing, bing, bing, bing, bing, bing. Chanter sans guitare à Séville, vous seriez bientôt reconnu. Ma foi, bientôt dépisté. Je suis Lindor. Ma naissance est commune. Mes voeux sont ceux d'un simple bachelier, mes voeux sont ceux d'un simple bachelier. Que n'ai-je hélas d'un brillant chevalier à vous offrir le rang et la fortune? À vous offrir le rang et la fortune. Comment diable, je ne ferai pas mieux, moi qui m'en pique. Tous les matins, ici d'une voix tendre, je chanterai mon amour sans espoir. Je chanterai mon amour sans espoir. Je bornerai mes plaisirs à vous voir. Et puissiez-vous en trouver un menton. En trouver à m'entendre. Ah, ma foi, pour celui-ci! Figaro! Excellence! Crois-tu que l'on m'ait entendu? Tout me dit que Lindor est charmant, que je dois l'aimer constamment! Croyez-vous qu'on vous ait entendu cette fois? Elle a fermé sa fenêtre. Quelqu'un apparemment est entré chez elle. Oh, la pauvre petite, comme elle tremble en chantant. Elle est prise, monseigneur! Elle se sert du moyen qu'elle-même a indiqué. Tout me dit que Lindor est charmant. Oh, que de grâce, que d'esprit! Que de ruse, que d'amour! Crois-tu qu'elle se donne à moi, Figaro? Elle passera plutôt à travers cette jalousie que d'y manquer. C'en est fait, je suis à ma Rosine. Pour la vie. Vous oubliez, monseigneur, qu'elle ne vous entend plus. Ah, monsieur Figaro, je n'ai qu'un mot à vous dire. Elle sera ma femme. Et si vous servez bien mes projets en lui cachant mon nom, tu m'entends, tu me connais. Je me rends. Allons, Figaro, voilà la fortune, mon fils. Retirons-nous, crainte de nous rendre suspects. Moi, j'entre ici, ou par la force de mon art. Je vais d'un seul coup de baguette endormir la vigilance, éveiller l'amour, égarer la jalousie, fourvoyer l'intrigue et renverser tous les obstacles. Vous, monseigneur, chez moi, l'habit de soldat, le billet de logement et de l'or dans vos poches. Pour qui de l'or? De l'or, mon Dieu, de l'or, c'est le nerf de l'intrigue. Ne te fâche pas, Figaro, j'en prendrai beaucoup. Je vous rejoins un peu. Figaro! Qu'est-ce que c'est? Mais ta guitare! J'oublie ma guitare, moi, je suis donc fou! Et ta demeure étourdie! Oh, réellement, je suis frappé! Ma boutique, à quatre pas d'ici, peint en bleu, vitrage en plomb, trois palettes en l'air, l'œil dans la main, concilio maniquim, Figaro! Acte deuxième. Le théâtre représente l'appartement de Rosine. La croisée dans le fond du théâtre est fermée par une jalousie grillée. Rosine seule, un bougeoir à la main. Elle prend du papier sur la table et se met à écrire. Marceline est malade, tous les gens sont occupés et personne ne me voit écrire. Je ne sais si ces murs ont des yeux et des oreilles ou si mon Argus a un génie malfaisant qui l'instruit à point nommé, mais je ne puis dire un mot ni faire un pas dont il ne devine sur le champ l'intention. Ah, Lindor, fermons toujours ma lettre, quoique j'ignore quand et comment je pourrais la lui faire tenir.

Et c'est toujours quelqu'un posté là exprès qui ramasse les papiers qu'une femme a l'air de laisser tomber par mégarde. À l'air, monsieur. Oui, madame, à l'air. Oh, le méchant vieillard. Et cela n'arrivera plus, car je vais faire sceller cette grille. Faites mieux murer les fenêtres tout d'un coup. D'une prison à un cachot, la différence est si peu de choses. Dans celle qui donne sur la rue, ce ne serait peut-être pas si mal. Ce barbier n'est pas entré chez vous, au moins. Vous donne-t-il aussi de l'inquiétude? Tout comme un autre. Que vos répliques sont honnêtes. Ha! Fiez-vous à tout le monde. Et vous aurez bientôt à la maison une bonne femme pour vous tromper, de bons amis pour vous la souffler, et de bons valets pour les y aider. Quoi? Vous n'accordez pas même qu'on ait des principes contre la séduction de M. Figaro? Le cul diable entend quelque chose à la bizarrerie des femmes. Et combien j'en ai vu de ces vertus à principe. Mais monsieur, s'il suffit d'être homme pour nous plaire, pourquoi donc déplaisez-vous si fort? Pourquoi? Mais vous ne répondez pas à ma question sur ce barbier. Eh bien oui, cet homme est entré chez moi, je l'ai vu, je lui ai parlé, et je ne vous cache pas même que je l'ai trouvé fort aimable. Et puis c'est vous à mourir de dépit. Les juifs, les chiens de valet, la jeunesse, les veillés maudits. Où étais-tu donc, peste d'étourdi, quand ce barbier est entré ici? Monsieur, j'étais... A machiné quelque espièglerie, sans doute, et tu ne l'as pas vu. Sûrement, je l'ai vu, puisqu'il m'a trouvé tout mal. Malade, est-ce qu'il dit? Il faut bien que ce soit vrai, car j'ai commencé à me douloir dans tous les membres, rien qu'en l'entendant pas. Rien qu'en l'entendant. Où est-ce pour rien de la jeunesse? Droguer ce petit garçon sans mon ordonnance. Il y a quelques friponneries là-dessous. Je l'ai. La tuée de terminera dimanche. Voilà plus de 50. 50 fois. Dans un moment. Je suis brisé. Comment? Je vous demande à tous les deux s'il est entré quelqu'un chez Rosine. Et vous ne me dites pas que ce barbier... Est-ce que c'est quelqu'un? Monsieur Figaro. Je parie que le rusé s'entend avec lui. Je m'en... Attends. Mais monsieur, y a-t-il de la... De la... Justice! De la justice! C'est bon entre vous autres, misérables, la justice! Je suis votre maître, moi, pour avoir toujours raison! Mais pardi, quand une chose est vraie! Mais quand une chose est vraie! Et si je ne veux pas qu'elle soit vraie? Je prétends bien qu'elle ne soit pas vraie! Il n'y aurait qu'à permettre à tous ces faquins-là d'avoir raison! Vous verriez bientôt ce que deviendrait l'autorité! J'ai beau temps à recevoir mon congé! Un service terrible et toujours en train d'enfer! On va devenir traité comme un misérable! Oui, sors donc, pauvre homme de bien! Etchi, etcha! L'un m'éternue au nez, l'autre m'ibale! Monsieur, je vous jure que sans mademoiselle, il n'y aurait pas moyen de rester dans la maison. En quel état ce Figaro les a mis tous? Je vois ce que c'est. Marot voudrait me payer mes 100 écus sans bourse délier. Oh! Don Basile, vous vouliez donner à Rosine sa leçon de musique? C'est ce qui presse le moins. Mais j'ai passé chez vous sans vous trouver. J'étais sorti pour vos affaires. Apprenez une nouvelle assez fâcheuse. Pour vous? Non, pour vous. Le comte Almaviva est dans cette ville. Allons, parlez bas. Celui qui faisait chercher Rosine dans tout Madrid. Il loge à la grande place et sort tous les jours, déguisé. Il n'en faut point douter, cela me regarde. Et que faire? Si c'était un particulier, on viendrait à bout de l'écarter. Oui, oui, en s'embusquant le soir, armé, cuirassé. Bonne idée. Se compromettre. Susciter une méchante affaire à la bonne heure. Et pendant la fermentation, calomnier à dire d'experts.

femme se croit bien en sûreté parce qu'elle est seule. Oh, sans doute, la belle preuve. Finissez donc, monsieur, vous me tordez le bras. Je me suis brûlée en chiffonnant autour de cette bougie. Et l'on m'a toujours dit qu'il fallait aussitôt tremper dans l'encre. C'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Voyons l'ancien second témoin confirmera la déposition du premier. C'est ce cahier de papier où je suis certain qu'il y avait 6 feuilles. Car je les compte tous les matins, aujourd'hui encore. Oh, imbécile. 3, 4, 5. La sixième. Je vois bien qu'elle n'y est pas, la sixième. La sixième. Je l'ai employée à faire un cornet pour des bonbons. Que j'ai envoyé à la petite Figaro. Et la petite Figaro. Et la plume qui était toute neuve, comment est-elle devenue noire? Et s'en écrivant l'adresse de la petite Figaro... Cet homme a un instinct de jalousie. Elle m'a servi à retracer une fleur effacée sur la veste que je vous brode au tambour. Que cela est édifiant. Mais pour qu'on vous crût, mon enfant, il faudrait ne pas rougir en déguisant coup sur coup la vérité. Mais c'est ce que vous ne savez pas encore. Mais qui ne rougirait pas, monsieur, de voir tirer des conséquences aussi malignes des choses les plus innocemment faites? Oh, certes, j'ai tort. Se brûler le doigt, le tremper dans l'encre, faire des cornets aux bonbons pour la petite Figaro et dessiner ma veste au tambour, quoi de plus innocent? Mais que de mensonges entassés pour cacher un seul fait. Je suis seul, on ne me voit point, je pourrais mentir à mon aise. Mais le bout du doigt reste noir, la plume est tachée, le papier manque, on ne saurait penser à tout. Bien certainement, signera quand j'irai par la ville. Un bon double tour me répondra de vous. Et puis nous veut cet homme, un soldat. Rentrez chez vous, signera. Paraît le comte Alma vivant en uniforme de cavalerie, ayant l'air d'être entre deux vins. Qui de vous deux, mesdames, se nomme le docteur Balordo? Je suis Lindor. Bartolo. Il parle de l'aide. Balordo, Barcalo, je m'en moque comme de ça. Il s'agit seulement de savoir laquelle des deux. Prenez cette lettre. Qui de laquelle? Vous voyez bien que c'est moi, laquelle? Allez, rentrez dans Rosine, cet homme paraît avoir du vin. Mais c'est pour cela, monsieur, vous êtes seul. Une femme impose, quelquefois. Rentrez, rentrez, je ne suis pas timide. Oh, je vous ai reconnu d'abord à votre signalement. Est-ce que c'est donc que vous cachez là dans votre poche? Je le cache dans ma poche pour que vous ne sachiez pas ce que c'est. Mon signalement. Ces gens-là croient toujours parler à des soldats. Pensez-vous que ce soit une chose si difficile à faire que votre signalement? Le chef branlant, la tête chauve, les yeux verrons, le regard faux. Le nez fait comme un baldaquin, tous les appétits destructeurs, enfin la perle du docteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Êtes-vous ici pour m'insulter? Délogez à l'instant. Délogez? Ah, fille, que c'est mal parlé. Savez-vous lire, docteur Barbalo? Autre question saugrenue. Oh, que cela ne vous fasse pas de peine, car moi qui suis pour le moins aussi docteur que vous... Comment cela? Est-ce que je ne suis pas le médecin des chevaux du régiment? Voilà pourquoi l'on m'a exprès logé chez un confrère. Osez comparer un maréchal... Non, docteur, je ne prétends pas que notre art obtienne le pas sur Hippocrate et sa brigade. Votre savoir, mon camarade, est d'un succès plus général, car s'il n'emporte point le mal, il emporte au moins le malade. C'est Hippolyte que je vous dis là. Hein? Il vous sied bien, manipuleur ignorant, de ravaler ainsi le premier, le plus grand et le plus utile des arts. Utile tout à fait pour ceux qui l'exercent. Un art dont le soleil sonore d'éclairer les succès. Et dont la terre s'empresse de couvrir les bévues. Moi bien mal appris. Vous n'êtes habitué de parler qu'à des chevaux. Parler à des chevaux? Oh, docteur! Pour un docteur d'esprit, n'est-il pas de notoriété que le maréchal guérit toujours ses malades sans leur parler, au lieu que le médecin parle beaucoup potion? Mais sans les guérir, n'est-ce pas? C'est vous qui l'avez dit. Qui diable m'envoie ici ce maudit ivrogne? Je crois que vous me lâchez des épigrammes, l'amour. Enfin, que voulez-vous? Que demandez-vous? Eh bien, donc, il s'enflamme ce que je veux. Est-ce que vous ne le voyez pas, ce que je veux? Monsieur le soldat, ne vous emportez point de grâce. Parlez-lui doucement, monsieur, un homme qui déraisonne. Vous avez raison, il déraisonne, lui. Mais nous sommes raisonnables, nous. Moi, poli,

Vous ne m'avez jamais parlé ainsi. Si je me suis modérée jusqu'à ce jour, ce n'était pas pour vous donner le droit de m'offenser impunément. Quelle offense me parlez-vous? C'est qu'il est inouï qu'on se permette d'ouvrir les lettres de quelqu'un. De sa femme? Je ne la suis pas encore. Mais pourquoi lui donnerait-on la préférence d'une indignité qu'on ne fait à personne? Vous voulez me faire prendre le change et détourner mon attention du billet qui, sans doute, est une missive de quelque amant. Mais je le verrai, je vous assure. Vous ne le verrez pas. Si vous m'approchez, je m'enfuis de cette maison et je demande retraite au premier venu. Qui ne vous recevra point. C'est ce qu'il faudra voir. Et nous ne sommes pas ici en France, où l'on donne toujours raison aux femmes. Mais pour vous en ôter la fantaisie, je vais fermer la porte. Oh, ciel, que faire? Mettons vite à la place la lettre de mon cousin et donnons-lui beau jeu à la prendre. Ah! J'espère maintenant l'avoir. De quel droit, s'il vous plaît? Du droit le plus universellement reconnu, celui du plus fort. On me tuera plutôt que de l'obtenir de moi. Madame! Oh, quelle indignité! Donnez cette lettre ou craignez ma colère! Malheureuse Rosine! Qu'avez-vous donc? Quel avenir affreux! Rosine! J'étouffe de fureur. Elle se trouve mal. Je m'affaiblis. Je meurs. Dieu, la lettre. Lisons-la sans qu'elle en soit instruite. Infortunée. Oh. Quelle rage a-t-on d'apprendre ce qu'on craint toujours de savoir? L'usage des odeurs produit ces affections spasmodiques. Oh, ciel, c'est la lettre de son cousin. Maudite inquiétude. Comment l'apaiser maintenant? Qu'elle ignore au moins que je l'ai lu. Ce n'est rien, mon enfant. Un petit mouvement de vapeur, voilà tout. Car ton pouls n'a pas seulement varié. Il a remis la lettre fort bien. Ma chère Rosine, un peu de cette eau spiritueuse. Oh, je ne veux rien de vous, laissez-moi. Je conviens que j'ai montré trop de vivacité sur ce billet. Il s'agit bien du billet. C'est votre façon de demander les choses qui est révoltante. Pardon, pardon. J'ai bientôt senti tous mes torts et tu me vois à tes pieds, prête à les réparer. Oui, pardon. Lorsque vous croyez que cette lettre ne vient pas de mon cousin. Qu'elle soit d'un autre ou de lui, je ne veux aucun éclaircissement. Vous voyez qu'avec de bonnes façons, on obtient tout de moi. Lisez-la. Non, oh, cet honnête procédé dissiperait mes soupçons si j'étais assez malheureux pour en conserver. Lisez-la donc, monsieur. À Dieu ne plaise que je te fasse une pareille injure. Vous me contrariez de la refuser. Reçois en réparation cette marque de ma parfaite confiance. Mais je vais voir la pauvre Marceline, que ce Figaro a je ne sais pourquoi saigné aux pieds. N'y viens-tu pas aussi? J'y monterai dans un moment. Puisque la paix est faite, mignonnette, donne-moi ta main. Ah, si tu pouvais m'aimer, ah, comme tu serais heureuse. Si vous pouviez me plaire, ah, comme je vous aimerais. Oh, je te plairais. Je te plairais. Quand je te dis que je te plairais. Ah, Lindor, il dit qu'il me plaira. Lisons cette lettre qui a manqué de me causer tant de chagrin. Oh, j'ai lu trop tard. Il me recommande de tenir une querelle ouverte avec mon tuteur. J'en avais une si bonne et je l'ai laissée échapper. En recevant la lettre, j'ai senti que je rougissais jusqu'aux yeux. Ah, mon tuteur a raison. Je suis bien loin d'avoir cet usage du monde qui, me dit-il souvent, assure le maintien des femmes en toute occasion. Mais un homme injuste parviendrait à faire une rusée de l'innocence même. Acte troisième. Bartolo seul et désolé. Ah, quelle humeur, quelle humeur! Elle paraissait apaisée. La comte dise qui diable lui a fourré dans la tête de ne plus vouloir prendre le son de Don Basile. Elle sait qu'il se mêle de mon mariage. Faites tout au monde pour plaire aux femmes si vous omettez un seul petit point. Je dis un seul. Alors, voyons qui c'est. Paraît le comte en bachelier. Que la paix et la joie habitent toujours Séan. Jamais Swann vint plus à propos, que voulez-vous? Monsieur, je suis Alonso, bachelier licencié. Je n'ai pas besoin de précepteur. Élève de Don Basile, organiste du grand couvent, qui a l'honneur de montrer la musique à Madame. Et Basile, organiste, qui a l'honneur, je le sais, au fait. Quel homme! Un mal subi qui le force à garder le lit. Garder le lit, Basile? Il a bien fait d'envoyer, je vais le voir à l'instant. Oh, diable! Quand je dis le lit, monsieur, c'est la chambre que j'entends. Ne fut-il qu'incommodé, marchez devant, je vous suis. Monsieur, j'étais chargé. Personne ne peut-il nous entendre? C'est quelques fripons. Et non, monsieur le mystérieux, parlez sans vous troubler, si vous pouvez. Maudit vieillard. Dont Basile m'avait chargé de vous apprendre. Parlez haut, je suis sourd d'une oreille. Ah, volontiers. Que le comte Almaviva, qui restait à la grande place... Ah, parlez pas. ...en est délogé ce matin, comme c'est par moi qu'il a su que le comte Almaviva... Parlez pas, ...était en cette ville et que j'ai découvert que la signora Rosine lui a écrit... Lui a écrit? Mon cher ami, parlez plus bas, je vous en conjure. Tenez, asseyons-nous et jasons d'amitié. Vous avez découvert, dites-vous, que Rosine... Assurément. Basile, inquiet pour vous de cette correspondance, m'avait prié de vous montrer sa lettre, mais la manière dont vous prenez les choses... Mon Dieu, je les prends bien. Mais ne vous est-il donc pas possible de parler plus bas? Vous êtes sourd d'une oreille, avez-vous dit? Pardon, seigneur Alonso, si vous m'avez trouvé méfiant et dur. Mais je suis tellement entouré d'intrigants, de pièges. Et puis, votre tournure, votre âge, votre air... Pardon. Eh bien... Vous avez la lettre? Ah, la bonne heure sur ce ton, monsieur. Mais je crains qu'on ne soit aux écoutes. Qui voulez-vous? Tous mes valets sur les dents, Rosine enfermée de fureur. Le diable est entré chez moi. Oui, je vais encore m'assurer. Ah, je me suis enferré de dépit. Gardez la lettre à présent. Il faudra m'enfuir. Autant vaudrait n'être pas venu. La lui montrer. Si je puis en prévenir Rosine, la montrer est un coup de maître. Elle est assise auprès de sa fenêtre, le dos tourné à la porte, occupée à relire une lettre de son cousin, l'officier, que j'avais dégacheté. Voyons dans la sienne. La voici. C'est ma lettre qu'elle relit. Depuis que vous m'avez appris votre nom et votre état. Oh, la perfide! C'est bien là, sa main! Parlez donc bas à votre tour! Oh, quelle obligation, mon cher! Quand tout sera fini, si vous croyez mon devoir, vous serez le maître. D'après un travail que fait actuellement Don Basile avec un homme de loi... Avec un homme de loi pour mon mariage? Vous aurais-je arrêté sans cela? Il m'a chargé de vous dire que tout peut être prêt pour demain. Alors, si elle résiste... Ah, oh, elle résistera. Voilà l'instant où je puis vous servir. Nous lui montrerons sa lettre. Et s'il le faut... J'irai jusqu'à lui dire que je la tiens d'une femme à qui le comte l'a sacrifiée. Vous sentez que le trouble, la honte, le dépit peuvent la porter sur le champ. Oh, de la calomnie, mon cher ami. Je vois bien maintenant que vous venez de la part de Basile. Mais pour que ceci n'eût pas l'air concerté, ne serait-il pas bon qu'elle vous connût d'avance? Ah, c'était assez l'avis de Don Basile. Mais comment faire? Il est tard. Au peu de temps qui reste... Je dirais que vous venez en sa place. Ne lui donnerez-vous pas bien une leçon? Il n'y a rien que je fasse pour vous plaire. Mais prenez garde que toutes ces histoires de maîtres supposés sont de vieilles finesses, des moyens de comédie, si elle va se douter. Présente-tu par moi? Quelle apparence! Vous avez plus l'air d'un amant déguisé que d'un ami officieux. Ah oui? Vous croyez donc que mon air peut aider à la tromperie? Je le donne au plus fin deviné. Elle est ce soir d'une humeur horrible. Mais quand elle ne ferait que vous voir... son clavecin est dans ce cabinet. Amusez-vous en l'attendant. Je vais faire l'impossible pour l'amener. Gardez-vous bien de lui parler de la lettre! Avant l'instant décisif. Mais elle perdrait tout son effet. Il ne faut pas me dire deux fois les choses. Il ne faut pas me les dire deux fois. Me voilà sauvé. Ouf! Que ce diable d'homme est rude à manier. Figaro le connaît bien. Je me voyais mentir, cela me donnait un air plat et gauche. Et il a des yeux. Ma foi, sans l'inspiration subite de la lettre, il faut l'avouer, j'étais éconduit comme un sot. Ciel, on dispute là-dedans. si elle allait s'obstiner à ne pas venir. Écoutons. Elle refuse de sortir de chez elle et j'ai perdu le fruit de ma ruse. La voici. Ne nous montrons pas d'abord. J'en ai pris mon parti, je ne veux plus entendre parler de musique. Mais écoute donc, mon cher enfant, c'est le Seigneur Alonso, l'élève et l'ami de Don Basile, choisi par lui pour être un de nos témoins. La musique te calmera, je t'assure. Oh, pour cela, vous pouvez vous en détacher. Si je chante ce soir, où donc est-il ce maître que vous craignez de renvoyer? Je vais en deux mots lui donner son compte et celui de Basile. Qu'avez-vous? Oh, mon Dieu, monsieur. Mais elle se trouve encore mal, Seigneur Alonso. Oh, non, je ne me trouve pas mal. Non mais c'est qu'en me tournant, Le pied vous a tourné, madame. Oh, oui, le pied m'a tourné. Je me suis fait un mal horrible. Je m'en suis bien aperçu. Le coup m'a porté au cœur. Ah, un siège. Ah, et pas un fauteuil ici. Ah. Oh, Rosine. Quelle imprudence. J'ai mille choses essentielles à vous dire. Il ne nous quittera pas. Figaro va venir nous aider. Tiens, mignonne, assieds-toi. Il n'y a pas d'apparence, bachelier, qu'elle prenne de leçons ce soir. Ce sera pour un autre jour. Alors, adieu. Non. Attendez. Ma douleur est un peu apaisée. Je sens que j'ai eu tort avec vous, monsieur. Je veux vous imiter en réparant sur le champ. Oh, le bon petit naturel de femme. Mais après une pareille émotion, mon enfant, je ne souffrirai pas que tu fasses le moindre effort. Adieu, bachelier. Non, un moment de grâce. Hein? Je croirais, monsieur, que vous n'aimez pas à m'obliger si vous m'empêchez de vous prouver mes regrets en prenant ma leçon. Ne la contrariez pas, si vous m'en croyez. Oh, me voilà qui est fini, mon amoureuse. Je suis si loin de chercher à te déplaire que je veux rester là tout le temps que tu vas étudier. Oh, mais non, monsieur. Je sais que la musique n'a nul attrait pour vous. Mais je t'assure que ce soir, elle m'enchantera. Je suis au supplice. Est-ce là ce que vous voulez chanter, madame? Oui, c'est un morceau très agréable de la précaution inutile. Toujours la précaution inutile. C'est ce qu'il y a de plus nouveau aujourd'hui. C'est une image du printemps d'un genre assez vif, si madame veut l'essayer. Avec grand plaisir. Un tableau du printemps me ravit. C'est la jeunesse de la nature. Il semble au sortir de l'hiver que le cœur acquiert un plus haut degré de sensibilité. Comme un esclave enfermé depuis longtemps, goûte avec plus de plaisir le charme de la liberté qui vient de lui être offerte. Toujours des idées romanesques en tête. En sentez-vous l'application? Morbleu. Barthelot va s'asseoir dans le fauteuil qu'a occupé Rosine. Quand dans la plaine l'amour amène le printemps, si chéri des amants, tout reprend l'être, son feu pénètre dans les fleurs et dans les jeunes cœurs. On voit les troupeaux sortir des hameaux, Bartolo s'assoupit. Les coteaux, les cris des agneaux retentissent, ils bondissent, tout ferment. Profitant du sommeil de Barthelot, le comte a saisi la main de Rosine qu'il couvre de baisers. Mais Barthelot se réveille. Mes lèvres enflammées ne songent guère qu'au bonheur d'être aimé de sa bergère. Ses charmes naissants, ses 15 ou 16 ans, tout l'excite, tout l'agite, la pauvrette. Barthelot s'est de nouveau assoupi. Et le comte en profite pour reprendre la main de Rosine.

Y a-t-il quelques lettres à remettre encore ce soir à madame? Parlez, faut-il que je me retire? Comme vous rudoyez le pauvre monde. Et parbleu, monsieur, je viens vous raser, voilà tout. N'est-ce pas aujourd'hui votre jour? Vous reviendrez tantôt. Ah oui, revenir. Toute la garnison prend médecine demain matin. J'en ai obtenu l'entreprise par mes protections. Jugez donc comme j'ai du temps à perdre. Monsieur passe-t-il chez lui? Non, non, monsieur ne passe point chez lui. Ben, mais qui empêche qu'on ne me rase ici? Vous êtes honnête et pourquoi pas dans mon appartement? Tu te fâches. Pardon, mon enfant, tu vas achever de prendre ta leçon. C'est pour ne pas perdre un instant le plaisir de t'entendre. On ne le tirera pas d'ici. Allons l'éveiller, la jeunesse, le bassin, de l'eau, tout ce qu'il faut à monsieur. Ah, sans doute, appelez-les. Fatigués, harassés, moulus de votre façon. N'a-t-il pas fallu les faire coucher? Eh bien, j'irai tout chercher, n'est-ce pas dans votre chambre? Je vais la tirer dehors. Non, non, j'y vais moi-même. Ayez les yeux sur eux, je vous prie. Oui. Oh, que nous l'avons manqué belle. Il allait me donner le trousseau. La clé de la jalousie n'y est-elle pas? C'est la plus neuve de toutes. Oh, oh, oh. C'est ce que je fais de laisser ici ce maudit barbier. Tenez, hein, et dans mon cabinet, sous mon bureau, mais ne touchez à rien. La peste, il y ferait bon, méfiant comme vous êtes. Voyez comme le ciel protège l'innocence. C'est le drôle qui a porté la lettre au comte. Il m'a l'air d'un fripon. Il ne m'attrapera plus. Je crois qu'à cet égard, le plus fort est fait. Tout considéré, j'ai pensé qu'il était plus prudent de l'envoyer dans ma chambre que de le laisser avec elle. Il n'aurait pas dit un mot que je n'eusse été entière. Il est bien poli, messieurs, de parler bas sans cesse et malson. Oh, mais qu'est-ce que j'entends donc? Le cruel barbier aurait tout laissé tomber dans l'escalier et les plus belles pièces de mon nécessaire. Profitons du moment que l'intelligence de Figaro nous ménage. Accordez-moi ce soir, je vous en conjure, madame, un moment d'entretien indispensable pour vous soustraire à l'esclavage où vous alliez tomber. Oh, Lindor. Je puis monter à votre jalousie. Et quant à la lettre que j'ai reçue de vous ce matin, je me suis vu forcé de... Ah, je ne m'étais pas trompé. Ah, tout est brisé, fracassé. Vous voyez le grand malheur pour tant de train. On nous voit goutte sur l'escalier. Ma foi, en montant, j'ai accroché une clé. Prends garde à ce qu'on fait. Accrocher une clé, la bilhomme. Ma foi, monsieur, cherchez-en un plus subtil. Don Basile! Juste ciel! C'est le diable! Oh, Basile, mon ami, soyez le bien rétabli. Votre accident n'a donc point eu de suite. En vérité, le seigneur Alonso m'avait fort effrayé sur votre état, demandez-lui. Je partais pour vous aller voir, mais s'il ne m'avait point retenu... Le seigneur Alonso? Et quoi, toujours des accros? 2 heures pour une méchante barbe? Chienne de pratique! Me ferez-vous bien le plaisir de me dire, messieurs... Vous lui parlerez quand je serai parti. Mais encore faudrait-il... Il faudrait vous taire, Basile. Croyez-vous apprendre à monsieur quelque chose qu'il ignore? Je lui racontais que vous m'aviez chargé de venir donner une leçon de musique à votre place. La leçon de musique? Allons-y. Taisez-vous. Elle aussi? Dites-lui donc tout bas que nous en sommes convenus. N'allez pas nous démentir, Basile, en disant qu'il n'est pas votre élève. Vous gâteriez tout. Ah, ah. En vérité, Basile, on n'a pas plus de talent que votre élève. Que mon élève? Je venais pour vous dire que le comte est déménagé. Mais je le sais, taisez-vous. Qui vous l'a dit? Mais lui, apparemment. Moi, sans doute. Écoutez seulement. Est-il si difficile de vous taire? Le grand escogriffe, il est sourd. Qui diable est-ce donc qu'on trompe ici? Tout le monde est dans le secret. Eh bien, Basile, votre homme de loi. Vous avez toute la soirée pour parler de l'homme de loi. Et un mot, dites-moi seulement si vous êtes content de l'homme de loi. De l'homme de loi? Vous ne l'avez pas vu, l'homme de loi? Eh non, je n'ai pas vu l'homme de loi. Voulez-vous donc qu'il s'explique ici devant elle? Renvoyez-le. Vous avez raison. Mais quel mal vous a donc pris si subitement, Basile? Je ne vous entends pas. Oui, monsieur vous demande ce que vous venez faire ici dans l'état d'indisposition où vous êtes. Il est pâle comme un mort. Ah, je comprends. Allez vous coucher, mon cher Basile, vous n'êtes pas bien. Et vous nous faites mourir de frayeur, allez vous coucher. Il a la physionomie toute renversée, allez vous coucher. D'honneur, il sent la fièvre du lieu, allez vous coucher. Pourquoi donc êtes-vous sorti? On dit que cela se gagne, allez vous coucher. Que j'aille me coucher? Et sans doute! En effet, messieurs, je crois que je ne ferai pas mal de me retirer. Je sens que je ne suis pas ici dans mon assiette ordinaire. À demain, toujours, si vous êtes mieux. Basile, je serai chez vous de très bonne heure. Croyez-moi, tenez-vous bien chaudement dans votre lit. Bonsoir, monsieur Basile, bonsoir. diable emporte si j'y comprends rien. Et sans cette bourse... Bonsoir, Basile. Bonsoir. Eh bien, bonsoir, donc. Bonsoir. Cet homme-là n'est pas bien du tout. Il a les yeux égarés. Le grand air l'aura saisi. Avez-vous vu comme il parlait tout seul, ce que c'est que de nous? Ah, ça vous décidez-vous cette fois? Figaro pousse Barthelot dans un fauteuil très loin du comte, lui entoure le cou d'un linge et s'apprête à le raser. Avant de finir, madame, je dois vous dire un mot essentiel au progrès de l'art que j'ai l'honneur de vous enseigner. Figaro masque Rosine et le comte. Mais il semble que vous fassiez exprès de vous approcher et de vous mettre devant moi pour m'empêcher de voir. Nous avons la clé de la jalousie et nous serons ici à minuit. Quoi voir? Si c'était une leçon de danse, on vous passerait d'y regarder, mes deux chants. Aïe! Qu'est-ce que c'est? Je ne sais ce qui m'est entré dans l'œil. Ne frottez donc pas. C'est le gauche. Voudriez-vous me faire le plaisir d'y souffler un peu fort? Barthelot prend la tête de Figaro, regarde par-dessus, le pousse violemment et va derrière les amants écouter leur conversation. Et quant à la lettre, je me suis trouvé tantôt dans un tel embarras pour rester ici. Désolé de voir encore mon déguisement inutile. Votre déguisement inutile? Fort bien, madame, ne vous gênez pas. Comment? Sous mes yeux même, en ma présence, on m'ose outrager de la sorte. Qu'avez-vous donc, seigneur? Ma perfide Alonso. Seigneur Barthelot, si vous avez souvent des lubies comme celles dont le hasard me rend témoin, je ne suis plus étonné de l'éloignement que mademoiselle a pour devenir votre femme. Moi, sa femme? Passer tous mes jours auprès d'un vieux jaloux qui, pour tout bonheur, offre à ma jeunesse un esclavage abominable. Ah, qu'est-ce que j'entends? Oui, je le dis tout haut. Je donnerai mon cœur et ma main à celui qui pourra m'arracher de cette horrible prison où ma personne et mon bien sont retenus contre toute justice. La colère me suffoque. En effet, seigneur, il est difficile qu'une jeune femme... Une jeune femme ait un grand âge, voilà ce qui trouble la tête d'un vieillard. Comment? Lorsque je les pense sur le fait, maudit barbier, il me prend des envies. Je me retire, il est fou. Et moi aussi, d'honneur, il est fou. Il est fou, il est fou. Je suis fou. Infâme stupendeur, émissaire du diable, dont vous faites ici l'office, et qui puisse vous emporter tous. Je suis fou. Oh, je les ai vus comme je vois ce pupitre. Et me soutenir effrontément. Il n'y a que Basile qui puisse m'expliquer ceci. Oui, envoyons le chercher. Hola! Hola, quelqu'un! J'ai oublié que je n'ai personne. Un voisin, le premier venu, n'importe. Il y a de quoi perdre l'esprit. Acte 4. Le théâtre est obscur. Barthelot, dont Basile une lanterne de papier à la main. Comment, Basile? Vous ne le connaissez pas? Ce que vous dites est-il possible? M'interrogeriez 100 fois que je vous ferai toujours la même réponse. S'il vous a remis la lettre de Rosine, c'est sans doute un des émissaires du comte. Mais à la magnificence du présent qu'il m'a fait, il se pourrait que ce fût le comte lui-même. Mais quelle apparence! Mais à propos de ce présent, hein? Pourquoi l'avez-vous reçu? Vous aviez l'air d'accord, je n'y entendais rien. Et dans les cas difficiles à juger, une bourse d'or me paraît toujours un argument sans réplique. Et puis, comme dit le proverbe, ce qui est bon à prendre... J'entends, et bon... À garder. Oui, j'ai arrangé comme cela plusieurs petits proverbes avec des variations. Mais allons au fait, à quoi vous arrêtez-vous? En ma place, Basile, ne feriez-vous pas les derniers efforts pour la posséder? Ma foi non, docteur. En toute espèce de bien, posséder est peu de chose. C'est jouir qui rend heureux. Mon avis est qu'épouser une femme dont on n'est pas aimé, c'est s'exposer... Vous craindriez les accidents? Mais, monsieur, on en voit beaucoup cette année. Je ne ferai point violence à son cœur. Votre valet, Basile, il vaut mieux qu'elle pleure de m'avoir que moi je meurs de ne l'avoir pas. Il y va de la vie. Épousez, docteur, épousez. Aussi frais, j'ai cette nuit même. Adieu donc. Souvenez-vous, en parlant à la pupille, de les rendre tous plus noirs que l'enfer. Vous avez raison. La calomnie, docteur. La calomnie, il faut toujours en venir là. Voici la lettre de Rosine que cet Alonso m'a remise. Et il m'a montré sans le vouloir l'usage que j'en dois faire auprès d'elle. Adieu. Nous serons tous ici à 4 heures. Pourquoi pas plus tôt? Impossible. Le notaire est retenu. Pour un mariage? Oui, chez le barbier Figaro. C'est sa nièce qu'il marie. Sa nièce? Mais il n'en a pas. Voilà ce qu'ils ont dit au notaire. Drôle et du complot, que diable! Est-ce que vous penseriez... Ma foi, ces gens-là sont si alertes. Tenez, mon ami, je ne suis pas tranquille. Retournez chez le notaire. Qu'ils viennent ici sur le champ avec vous. Il pleut, il fait un temps du diable. Mais rien ne m'arrête pour vous servir. Que faites-vous donc? Mais je vous reconduis. N'ont-ils pas fait estropier tout mon monde par ce Figaro? Je suis seul ici. J'ai ma lanterne. Venez, Basile. Voilà mon passe-partout. Je vous attends, je veille, et vienne qui voudra. Or, le notaire et vous, personne n'entrera de la nuit. Avec ces précautions, vous êtes sûr de votre fait. Rosine seule sortant de sa chambre. Il me semblait avoir entendu parler. Il est minuit sonné. Lindor ne vient point. Ce mauvais temps même était propre à le favoriser. Sûr de ne rencontrer personne. Oh, Lindor, si vous m'aviez trompé. Oh, quel bruit entends-je? Oh Dieu, c'est mon tuteur! Rentre! Rosine, puisque vous n'êtes pas encore rentré dans votre appartement... Je vais me retirer! Oh, par le temps affreux qu'il fait, vous ne reposerez pas et j'ai des choses très pressées à vous dire. Comme voulez-vous, monsieur, n'est-ce donc pas assez d'être tourmenté le jour? Rosine, écoutez-moi. Demain, je vous entendrai. Un moment de grâce! S'il allait venir... Connaissez-vous cette lettre? Oh, grand Dieu! Oh, mon intention, Rosine, n'est point de vous faire de reproches. À votre âge, on peut s'égarer. Mais je suis votre ami. Écoutez-moi. Oh, je n'en puis plus. Cette lettre que vous avez écrite au comte Almaviva. Au comte Almaviva? Voyez quel homme affreux est ce comte. Aussitôt qu'il l'a reçue, il en a fait trophée. Je la tiens d'une femme à qui il l'a sacrifiée. Le comte Almaviva? Vous avez peine à vous persuader cette horreur. Une expérience, Rosine, rend votre sexe confiante et crédule. Mais apprenez dans quel piège on vous attire. Cette femme m'a fait donner avis de tout apparemment pour écarter une rivale aussi dangereuse que vous, j'en frémis. Le plus abominable complot entre Almaviva, Figaro et cet Alonso, cet élève supposé de Basile, qui porte un autre nom et n'est que le vil agent du comte, allait vous entraîner dans un abîme dont rien n'eût pu vous tirer. Quelle horreur! Quoi Lindor? Quoi ce jeune homme? Ah, c'est Lindor. C'est pour le comte Almaviva, c'est pour un autre. Voilà ce qu'on m'a dit en me remettant votre lettre. Oh, quelle indignité! Il en sera puni. Monsieur, vous avez désiré de m'épouser. Tu connais la vivacité de mes sentiments. S'il peut vous en rester encore, je suis à vous. Eh bien, le notaire viendra cette nuit même. Ce n'est pas tout. Oh, ciel, suis-je assez humilié. Apprenez que dans peu le perfide ose pénétrer par cette jalousie dont ils ont eu l'art de vous dérober la clé. Oh, les scélérats! Mon enfant, je ne te quitte plus. Oh, monsieur, et s'ils sont armés? Ah, tu as raison. Je perdrai ma vengeance. Monte chez Marceline. Enferme-toi chez elle à double tour. Je vais chercher main forte et l'attendre auprès de la maison. Arrêtés comme voleurs, nous aurons le plaisir d'en être à la fois vengés et délivrés. Et compte que mon amour te dédommagera. Oubliez seulement mon erreur. Ah, oh, je m'en punis assez. Allons nous embusquer. À la fin, je la tiens. Son amour me dédommagera. Malheureuse. Que faire? Il va venir. Je veux rester et feindre avec lui pour le contempler un moment dans toute sa noirceur. La bassesse de son procédé sera mon préservatif. Oh, j'en ai grand besoin. Figure noble, air doux, une voix si tendre. Et ce n'est que le vil agent d'un corrupteur. Oh, oh, malheureuse. Malheureuse. Ciel, on ouvre la jalousie. Le comte et Figaro, enveloppés d'un long manteau, paraissent à la fenêtre. Quelqu'un s'enfuit. Entrerai-je? Un homme? Non. C'est Rosine, que ta figure atroce sera mise en fuite. Enfin, je le crois. Nous voici enfin arrivés malgré la pluie, la foudre et les éclairs. Donne-moi la main. À nous la victoire. Nous sommes tout bercés. Charmant pour aller en bonne fortune. Monseigneur, comment trouvez-vous cette nuit? Superbe pour un amant. Oui, mais pour un confident. Et si quelqu'un allait nous surprendre ici? N'es-tu pas avec moi?